Le service d'ouverture des 5e compétitions sportives du secteur de la santé publique s'est tenu le 20 au Palais des Sports de Pyongyang en présence de Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et d'autres cadres intéressés, des officiels et joueurs du secteur de la santé publique, ainsi que des enseignants et étudiants de la faculté de médecine de Pyongyang de l'université Kim Il-sung. Les compétitions seront déroulées en deux groupes. Les épreuves comme basketball, volleyball, tennis de table et lutte à la corde de traction seront disputées dans les gymnases, stades et parcs sportifs dans la ville de Pyongyang, comme le palais des sports de Pyongyang et dans toutes les provinces. Le service d'ouverture a été suivi du défilé des joueurs du match de volleyball entre les équipes de l'hôpital Kim Man-yo et de la maternité de Pyongyang et de la démonstration des joueurs de l'équipe de taekwondoïstes du comité coréen du taekwondo.